histoire de trois générations. Et pourtant ce n'est jamais qu'un violon. Il berce les enfants, il marie les plus grands. C'est l'ami de toute la maison. Son corps est fait du bois, de l'arbre de la vérité. Ses corps dont une voix que l'on ne peut pas imiter. C'est un livre d'histoire, le violon de mon père. Il a tant de mémoire, le violon de mon père. Laïla. Un jour il m'a offert une guitare pour m'amuser. Et depuis je ne l'ai jamais quitté. C'est lui qui m'a donné cette envie de chanter que j'aimerais vous faire partager. C'est toute mon enfance que je revis à chaque fois quand je vois ceux qui dansent ou bien qui pleurent quand il est là. C'est un livre d'histoire, violon de mon père. Il a tant de mémoire, violon. Chercher notre avenir, nous lui avons confié nos souvenirs. Il les a bien gardés, et si vous en doutez, il vous suffit de lui demander. Vous l'entendrez gémir quand il raconte nos malheurs. Vous le verrez sourire quand il raconte le bonheur.